to me, 'cause you talk to me, girl. I better find my way, 'cause you let me down. You let me down, yeah. What are you doing when you're leaving? What are you making when you're losing me? What are you doing when you're leaving? What are you making when you're losing me? Tell me sorry, 'cause you don't care, but I don't care, so you better find your way, 'cause you keep talking, but you possède une intelligence surhumaine, des connaissances venues d'ailleurs, ainsi que de mystérieux pouvoirs. Now, here comes the music. We're online. was on me when I couldn't get a sleep. When I was watching that still, whatever I should do. Something on here, wishing to recover. And I met you, so true. My head exploded, my blood went blue. Bonsoir à tous et à toutes, tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Voilà le rendez-vous Mavrika tous les vendredis soirs à partir de 20h30 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz et aussi sur www.radio-arc-en-ciel.fr. Voilà, vous pouvez nous retrouver donc partout, hein, vous pouvez nous écouter partout sur votre ordinateur, sur votre autoradio, etc. Alors tous les vendredis soirs dans l'émission Mavrika, nous recevons des invités ici dans les studios pour parler justement, pour faire la promotion un petit peu de leur travail, parce que il y a beaucoup d'artistes dans la région orléanaise et ailleurs qui travaillent beaucoup et qui ont envie de faire partager aussi leur musique. Donc bah, c'est le rendez-vous ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel tous les vendredis soirs à partir de 20h30. La semaine dernière nous avions reçu ici le groupe Cardioïde. La semaine prochaine nous recevrons les Ailes au Nord. Il y aura aussi une émission avec notre ami Fabien Dumas Ensemble Maintenant. Il y aura aussi les Scarlet Black qui viendront dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Les Burning Heads aussi sont prévus. Il y en aura d'autres, hein. Il y aura Léo's Black qu'on vient d'écouter à l'instant, et le groupe TIA aussi qui est prévu. Voilà, ça c'est les dates qui sont vraiment définitives, mais on espère aussi recevoir les artistes que je vais vous citer maintenant. C'est des artistes qui n'ont pas encore retenu leur date exactement, mais ils seront ici d'ici la fin d'année. Il s'agit par exemple des Mockingbird, Tonio, Maisel, Jonas, les Infernal Flash Pep. Voilà, donc avec ça déjà on a de quoi tenir pendant quelques semaines. Depuis le début de l'année on a reçu pas mal d'artistes. On a reçu les Chili Dogs, les Burgandy, les Blaisance, Frida Kahlo, Sika, les Blues Company, Barricade, Heavy Bird, Accident Instantané, Hill Valley, Melody Road, Acoustic Wild, Utopic Combo, Need. On a reçu aussi David McLean, Missing, Mourad, Patient Z, et on avait terminé juste avant les grandes vacances Alcove. Donc la semaine dernière on est rentré avec l'émission numéro 420. C'était le groupe Cardioïde, et cette fois-ci donc c'est la 430e, et nous recevons le groupe West Orleans. La semaine dernière donc on a pu écouter pas mal de musique. Je vous ai fait découvrir aussi le groupe Zbla. Donc le groupe Zbla sera ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel le 15 novembre, et on l'a écouté juste avant donc avec un morceau qui s'appelle Land Shaker. Encore avant c'était les Redshift, Light Me Up. On a écouté aussi Tomia avec Early Jones, et on avait commencé cette émission avec No More Back, les droits de l'homme. Vous êtes dans l'émission Mavrika, c'est sur Radio Arc-en-Ciel, et ce soir nos invités pour cette émission numéro 421, il s'agit de West Orleans. Voilà, on est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, confortablement installés. Voilà, le groupe invité donc de cette émission numéro 421, il est là, c'est le groupe Westerling, je vous l'ai présenté tout à l'heure. On a écouté, depuis tout à l'heure que je vous ai fait la petite présentation de l'émission, on a écouté le groupe Mark Insad, parce que voilà, il y a le chanteur Philippe Pascal qui nous a quitté cette semaine, voilà. Et donc je voulais lui rendre un petit peu hommage. Donc c'était un groupe des années 80 qui tournait toujours, hein, et fonctionnait toujours très bien. Et puis le groupe Mark Insad, donc on a écouté un morceau qui s'appelle Final Fog, un morceau de 1981. Et à l'instant, on vient d'écouter un morceau que tout le monde connaît, un That's Alright Mama, un standard du rock and roll. Et c'est interprété par le groupe invité. Donc c'est la première fois qu'ils étaient passés dans les émissions Mavrika. C'était l'émission numéro 309, c'était le 20 janvier 2017, c'est là qu'on les a découverts. Depuis, on les suit toujours, hein, et puis aujourd'hui, ils reviennent ici pour nous parler d'eux, parce que l'aventure continue avec les Westerlings. Et donc, ce morceau a été enregistré dans l'émission numéro 309, et ça a été fait dans les petits studios mythiques de Radio Arc-en-Ciel, ici à Orléans. Voilà, on va donc rejoindre les gens qui sont dans le studio juste en face, et on va commencer par notre ami Didier. Salut Didier! Ah, Didier, il est très loin, ou alors... non, ah bah, Didier, ça fonctionne pas. Bon, bah, ça commence très bien. On recommence. Tu m'entends, là ? Ah, bah oui, il y a des boutons qui ont été touchés qui n'auraient pas dû. C'est... Bah, arrête de toucher aux boutons. Ah non, moi je les remets dans la place. Je disais salut à tout le monde, salut les amis. Ouais, donc tu reviens de vacances, là ? Bah, je suis toujours en vacances, d'ailleurs. T'es toujours en vacances, ouais, mais bon, ouais. Là, t'es plus en vacances pour Mavrika. Pour Mavrika. C'est ma rentrée des classes. C'est ta rentrée. Tu as écouté la semaine dernière avec le groupe Cardioïde? J'ai écouté le podcast que Florent nous a aimablement fait. Ouais. Ouais, donc, on remercie Florent, parce que, effectivement, toutes les émissions, quand on peut pas écouter les émissions Mavrika, il y a notre ami Florent qui nous les enregistre et qui les met en podcast. Donc, vous pouvez nous écouter, même si vous avez loupé l'émission, vous pourrez réécouter après. Parfait. Et surtout, quand il y a des lives comme il y a on a eu la semaine dernière, et comme il y en aura aussi ce soir. Ils en ont joué 7 la semaine dernière. ouais, ils nous ont. Bah, ils en avaient prévu moins, mais on a insisté. Insisté, t'as demandé des rappels, du coup, il y a eu 3 rappels. 3 rappels, voilà. Ouais. Ils sont pas avares. À vous de jouer maintenant, les gars, ce soir. La barre est haute. Donc, après, on va rejoindre aussi la personne qui t'avait remplacé la semaine dernière. Il s'agit d'Annabelle. Ça va, Annabelle ? Oh là, t'es loin aussi, toi. Tout le monde est loin aujourd'hui. Bon, allez. Je suis loin. Non, c'est bon. Je réagisse aussi tous les petits boutons, hein, parce que effectivement, c'est la prise d'antenne. Ça va, Annabelle ? Oui, très bien. Depuis la semaine dernière ? Voilà. Donc, on était à au forum des associations à la Chapelle Saint-Méma pour représenter l'association Mavrika. Mmh. Et puis dimanche. Mmh. Voilà, on travaille même le dimanche. On sera encore ensemble. On sera encore ensemble, oui. Tous les deux. On sera là au Broc. Rock'n'Roll Atalsi, organisé par nos amis de l'association Red Rift. Red Rift, c'est le groupe qu'on écoutait tout à l'heure. Voilà. Non, je me suis mélangé. Et puis il va faire beau, donc voilà, ça devrait être une très belle journée. Oui, il va faire très beau. L'été revenu, oui. Et on a chaud dans les studios ce soir. Oui. Surtout que nous recevons donc le groupe Westerling, et on va commencer à discuter avec eux, parce qu'on les connaît bien, et on est vraiment content de les recevoir pour une deuxième fois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Donc on va parler au chanteur guitariste. Il s'agit de notre ami Moïse. Ça va, Moïse ? Bonjour, ça va très bien. C'est bon, je règle les micros au fur et à mesure, hein, donc voilà. Je te laisse faire, moi ça je sais pas faire. Ça. Voilà, c'est bon. Effectivement, il y a des gens qui parlent plus fort que d'autres, donc après il faut régler par rapport à la voix. Ah ben Moïse, on s'était vu justement chez les Red Daff. Oui, c'était à Talcy, tu jouais au caisson, et c'était le 1er juin. Tout à fait. Et tu as enflammé le caisson, quoi. Ah ben, c'est gentil, j'étais content d'ailleurs que tu sois présent avec également Dom Rousseau et puis Annabelle. Annabelle, donc, ouais. Ça fait plaisir de vous voir, je m'attendais pas à votre venue. Et puis apparemment ça a plu aux gens, et tant mieux, puisque c'est un petit peu le but. Hein. C'est le but, ouais. Ouais. Bah oui, toi tu travailles, tout ça, tu reprends des morceaux. Oui, enfin, maintenant, je suis pas tout seul, hein, on est une équipe, on est un trio, hein, parce que tout seul, je pourrais pas faire grand chose. C'est pour ça on en vient là, tu vas nous présenter justement tes compères. Eh ben, on va commencer donc par Philippe, hein, le bassiste qui a intégré. Le bassiste. Voilà, tout à fait. Donc bassiste qui a intégré notre formation il y a presque 18 mois maintenant, donc avec 6 mois de travail, et puis bon, maintenant on est prêt depuis un an pour aller faire nos concerts. Dany également de Minc-sur-Loire qui est un batteur qui également fait partie de la formation, et Benoît ici présent, qui est également le deuxième batteur du groupe, qui fait partie, on va dire, de cette formation également. Très bien, donc voilà, ils se remplacent quand ils peuvent, voilà, c'est une manière toujours de s'adapter les uns comme les autres. Donc, chacun sur scène. Voilà, tout à fait. Donc le caisson, ça a été fait bien évidemment avec Dany, très bon batteur, qu'on connaît également, comme Benoît, qui est aussi un très bon batteur. D'accord, bah très bien, donc c'était le 1er juin, tu étais au caisson. Est-ce qu'il y a d'autres concerts que tu as fait depuis, qu'est-ce que tu as fait depuis 2017? Depuis 2017, donc on s'était pas trop lancé dans le concert, on va dire live, c'était surtout de la prestation privée, genre mariage, choses comme ça. Ah ouais. Et puis depuis quelques mois maintenant, eh bien on se lance dans les concerts. Alors il y a très peu de démarchage de notre part, puisque on est fraîchement, on va dire, prêt, mais maintenant on va commencer à mettre un petit peu les bouchées doubles, c'est-à-dire que on a fait 4 ou 5 concerts cette année. Bon, on espère doubler le nombre de concerts l'année prochaine. D'accord. Donc bien évidemment, demain on a encore un concert près de Tours, chez les bikers MC André Loire, donc j'en profite pour en parler. D'accord, on en parlera, on va le rappeler au long de l'émission, il n'y a pas de souci. Voilà, hein, tout à fait. Parce que demain un concert, donc il faut en parler. Et puis West Orleans, bon, c'est un style, on va dire, rock'n'roll, rockabilly, mais surtout rock'n'roll swing, parce que rockabilly, on ne fait pas du vrai rockabilly quand même, faut être honnête. C'est plus du rock'n'roll swing, boogie blues, rock'n'roll, quoi, on va dire. Ouais, et puis j'ai même vu un petit peu de country. Oui, tout à fait, avec le style Léon, qui est une composition également du groupe. Ouais. Donc il y a beaucoup de reprises, il y a aussi des compositions. Alors les reprises, vous les choisissez comment ? Je pense qu'elles sont choisies. Alors il y a beaucoup de reprises qu'on aimerait faire, mais qui des fois sont un petit peu complexes. Donc on les choisit parce que c'est des coups de cœur, tout simplement. C'est des choses dont on sait de toute façon que ça a un impact au niveau rock'n'roll. C'est sûr que quand on choisit Mystery Train d'Elvis Presley, bon, on se trompe pas beaucoup. Quand on prend Blue Sweat Shoes, normalement, on se trompe pas non plus beaucoup. Oui, ça c'est. Ce qui veut dire qu'après, en composition, faut quand même faire attention, puisqu'il faut quand même essayer de rester un peu dans la fibre. Donc voilà comment on les choisit un peu au coup de cœur, un peu au feeling. Il y a aussi des compositions qu'on peut prendre et qu'on va laisser de côté parce qu'on se dit tout compte fait, elles sont chouettes, mais bon, on n'arrive pas à donner la vraie mayonnaise, à faire monter la mayonnaise. Ouais, ça prend ou ça prend pas, des fois c'est comme ça. Voilà, et puis des fois, bon, chacun va donner un petit peu son avis. Alors par exemple, on a fait une reprise de Johnny Hallyday, de l'amour, parce qu'il y a eu un coup de cœur au moment où le patron est parti, parce qu'il faut quand même reconnaître que Johnny Hallyday, c'était quand même un sacré monsieur. Un sacré artiste, oui. Et puis qui était apprécié, je crois, de 100% des Français, hein, je veux dire, bon, alors, et peut-être même d'autres pays. Donc on a repris de l'amour, tout simplement, parce qu'il y a un coup de cœur. B.B. King aussi, on reprend parce qu'il y a un coup de cœur, voilà. Du Biking, et puis donc il y a des morceaux qui peuvent être aussi très anciens, des années 50-60, oui. Et d'autres un petit peu plus récents, comme par exemple des morceaux des Stray Cats ou des choses comme ça. Tout à fait, ouais, comme Stray Cats Strut qui date de 81, ou éventuellement Rock This Town, I Won't Stay In Your Way, qu'on a rajouté également dans le répertoire, qui est un slow assez sympa. Mm-hmm. Qu'on n'interprétera pas spécialement ce soir, hein, parce qu'on n'est pas venu pour tout présenter des Stray Cats, je pense qu'ils le font mieux que nous. Et donc oui, on reprend un peu de Stray Cats. Ouais. D'accord, on sait un petit peu à quoi s'attendre ce soir, donc pour les interprétations. Alors vous en avez prévu combien ? C'est-à-dire que... Vous êtes capable de tenir très longtemps, donc... Oui, mais bon, on peut en jouer 5, 6, 4, tout dépend si on se met à beaucoup discuter ou à jouer, mais les deux sont intéressants. On va essayer de mélanger un petit peu les deux, comme ouais, ça, voilà. C'est ça. Alors, on a également une page Facebook qui s'appelle West Orleans, où vous avez la possibilité d'aller voir, donc, bien évidemment, nos événements, puisqu'on s'arrange quand même pour mettre les événements. Bon, aujourd'hui, on a mis l'événement de la radio au dernier moment, parce que... choses qui sont en même temps. Hein, ouais, c'est vrai que je l'ai vu tout à l'heure, donc moi j'ai marqué que je participais. Hein. Donc voilà. J'espère bien. J'espère bien. C'est-à-dire que je me suis dit vite, il me reste une petite heure. C'est sympa, Moïse m'invite. Je me suis dit, vu toute la pub qui a été faite, je vais me dépêcher. Donc il me restait une heure ou deux, et je me suis dit, comme ça permet un peu de faire savoir, en tout cas, qu'on passe chez vous ce soir. C'est cool. Voilà. Donc moi je me suis mis sur la page, effectivement, il y a l'affiche qu'on a fait pour l'émission, parce qu'on fait une affiche pour chaque émission, oui. Donc l'émission numéro 421. Et donc. Ça met l'affiche, je vous félicite. C'est toi qui m'as donné le visuel quand même. comme un... Après, moi, j'ai juste rajouté Mavrika et tout ça, les trucs habituels. Mais bon, et par contre, l'affiche West Orleans, c'est vrai que c'est la classe avec l'ampli West Orleans. Alors, l'affiche West Orleans, je remercie quand même Max Paris, une personne donc, qui travaille dans une entreprise que je ne citerai pas. D'accord. Qui a été vraiment formidable, parce que c'est lui qui nous a fait cette affiche, qui date de maintenant quasiment bientôt 4 ans. Et à ce sujet, je le remercie énormément. D'accord, bah une très belle affiche, et donc c'est celle que vous pouvez voir sur la page de Mavrika aussi. Quelqu'un de très très compétent dans le design, qui je crois parallèlement à son activité fait également des reproductions de voitures vintage, etc. Ah ouais, d'accord, carrément. Qui était présent d'ailleurs sur le stand d'American Tour avec Ligerie Guitare, je crois. Ligerie Guitare, oui. Donc j'ai eu l'occasion également d'essayer leur guitare, et franchement je conseille à beaucoup de gens de les essayer, parce que c'est deux jeunes qui ont beaucoup de talent, je tiens à le signaler. Et je vous le redis ce soir, comme je vous l'ai dit American Tour, on va se voir bientôt les amis, je passerai vous voir pour vos guitares. D'accord, Ligerie Guitare, voilà, c'est des passionnés qui sont mis à fabriquer des guitares, et c'est dans la région, c'est des guitares orléanaises, chapeloises même, oui. Je dirais. Moi j'ai eu l'occasion d'essayer vraiment beaucoup de matériel sur la région parisienne, et sincèrement, quand j'ai eu leur guitare dans les mains, j'ai été très bluffé. Je ne suis pas du tout étonné qu'ils soient autant primés en diplôme, design et autres fabrications de matériaux, parce que la finalité, c'est-à-dire ce qu'ils ont réussi à sortir de leurs mains, sincèrement, c'est exceptionnel. Tout à fait. Faut le savoir. Ligerie Guitare, donc dans la région du Loiret. Voilà, on a des entreprises françaises en plus qui méritent quand même à être connues, parce que il y a que du Gibson, du Fender que j'adore. Hein. Oui, tout à fait. Mais Ligerie, faut essayer. Mais il faut savoir que on sait aussi en faire en France, donc voilà, c'est. J'ai pas d'action, hein, je le dis tout de suite. Hein. Très bien. Bon, bah voilà. Donc tu nous as parlé de American Tour. Alors ça, c'était où? Ça s'est passé quand ça? Alors ça s'est passé le 6 juillet. Donc c'est à Tours. Chaque année, vous avez un festival qui est vraiment très très intéressant. Je ne vais pas leur faire leur promo ni leur pub, hein, ils n'ont pas besoin de moi. Par contre, c'est 3 jours d'activité vraiment dédiée, on va dire, à l'esprit américain. Ça va du rodéo aux voitures américaines. Vous avez des shows Harley Davidson, vous avez des passionnés qui arrivent avec des voitures extraordinairement modifiées, et tout dans un esprit, on va dire, très, très, très vintage. Voilà. Donc le nombre de personnes qu'ils ont dû avoir cette année, je peux pas l'inventer, mais c'est le troisième plus grand lieu quand même de rassemblement en France, et qui se trouve pas loin de chez nous, c'est-à-dire à côté. Et pour faire simple, avec un pass 3 jours de 50€ par exemple, vous avez accès à tous les concerts, sachant que cette année il y avait 2 gros groupes. L'année dernière par exemple, il y a eu quand même les ZZ Top, les Insus, Johnny Hallyday est passé il y a 3 ou 4 ans, donc c'est vraiment des choses dont on ne sait pas toujours, mais c'est à côté de chez nous et c'est super. Ah bah c'est bien d'en parler, parce que justement c'est bien de parler de tous ces endroits où on peut écouter les artistes qu'on connaît, mais puis même ceux qui sont un peu plus connus au niveau national ou international, comme tu as cité. Et donc ça se passe au mois de juillet, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, en général c'est le mois de juillet. Et en plus ça colle tout à fait. Je sais pas, moi quand j'écoute ta musique, ça me fait penser à l'esprit américain. Votre musique, hein, je suis pas tout seul. Ouais, niveau, hein. Votre musique, oui. Mais c'était le seul à me parler aujourd'hui, il va falloir aussi donner la parole. Je vais la donner aux autres. Ouais. C'est l'esprit américain, quoi. Je trouve que ça va bien avec les belles voitures, les belles guitares, bon, il y a l'esprit vraiment. Je vais peut-être baigner dans les westerns petits, j'en sais rien. Je crois aussi. La dernière séance des Michel. Le côté aussi western, le côté film américain. Je pense que c'est un petit peu ça qui t'a séduit, ouais, et que j'ai envie de partager avec les gens. J'ai été baigné, moi, dans un peu pareil, Elvis Presley aussi. Je veux dire, quand j'étais gamin, une dizaine d'années, on allait chez les oncles, j'entendais les albums ou la grande période d'Elvis où il avait une voix de ténor magnifique. Et je crois que même enfant, même si bon, on connaissait tous Elvis Presley, comme gamin on connaissait tous Michael Jackson, quoi, je veux dire, ouais, tout pas, à fait, pas de souci. Et du coup, quand on l'entendait chanter, on se rendait bien compte que c'était un phénomène. Donc moi, c'était ça m'a plu. C'est un phénomène, parce moi, que ça m'a plu, mais comme m'a plu aussi, pardon, Chuck Berry, Eddie Cochran, et tout un tas d'autres, peut-être un peu moins connus. Ouais, tout à fait. Et puis d'ailleurs, moi, par exemple, Elvis Presley, c'est vraiment le roi du rock'n'roll. On dit ça comme ça, mais finalement, il y a des gens qui n'apprécient pas forcément le rock'n'roll, qui aimaient aussi Elvis Presley. Je pense qu'il était devenu au-dessus de la musique. C'était vraiment un grand chanteur, quoi. Oui, il était au-dessus d'un seul style, quoi. Il était considéré comme, on va dire, le plus grand, mais il y avait aussi autour de lui, ouais, le King, mais il y avait aussi autour de lui des grands aussi. Comme Eddie Cochran, qui était un très bon joueur de guitare, Gene Vincent, qui avait une voix particulière. Donc voilà, il y avait à l'époque toute une rivalité. qui faisait que bah, ils n'étaient pas forcément ensemble. Mais Eddie Cochran et Jane Vincent, par exemple, on les retrouvait souvent ensemble dans les shows, mais on ne voyait pas Elvis avec eux. D'accord. Voilà, c'était pas la guéguerre, mais c'était différent. Il y avait une rivalité commerciale de toute façon. Oui, de toute façon, c'est toujours le commerce qui est derrière tout ça. Mais bon, tout ça, c'est du rock'n'roll, hein, c'est pas bien. C'est grave. Du rock'n'roll, c'est pas t'as bien. T'as oublié de citer les Forbans, c'est un oubli, c'est une erreur. Non, c'est non. Pas une erreur, mais je te laisse les citer. Il y a Michel Papin, avec qui je suis ami sur Facebook, qui est très très sympa. Ouais. Bébert, qui vient de fêter son 40e anniversaire. Et comme tu me parles des Forbans, moi, je vais aussi parler des Vagabonds. Eh ben, vas-y. Comme par exemple le chanteur, donc Monsieur Cantor, hein, qui a vraiment une voix extraordinaire des Vagabonds. Francis Belin, que je connais depuis tout petit, puisqu'il était à côté de chez moi, à Avallon dans l'Yonne, parce que moi je suis natif d'Avallon dans l'Yonne, en Bourgogne. Et donc c'est aussi un très très bon groupe. Donc c'est, on aime bien, c'est différent, mais on aime bien. C'est bien, voilà. Je ne veux pas me faire des ennemis, c'est moi je suis pas venu là pour ça. J'ai que des copains dans le rock'n'roll. Que des copains. Voilà, c'est bien. Bah, on parle déjà depuis pas mal de temps. On commence à être bien rentré dans la conversation. Je propose qu'on écoute un petit peu de musique et peut-être allez-vous vous préparer pour interpréter un premier morceau. Avec plaisir. N'est-ce pas? Avec plaisir. Ben, nous, on avait reçu justement un groupe qui nous a fait beaucoup plaisir. Je suis en train de chercher la pochette. Il s'agit des Chili Dogs. Je propose qu'on écoute un petit morceau des Chili Dogs en attendant que vous vous prépariez. Et il y aura donc la première interprétation directe live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel aujourd'hui, le vendredi 13 septembre, donc j'espère que c'est un jour qui va porter bonheur, sachant qu'il y a eu le 11 septembre il n'y a pas longtemps aussi. Ça m'est déjà arrivé de prendre l'avion ce jour-là, mais bon, comme quoi. Mais bon, j'espère que ça va nous on porter. On te fait confiance. Ouais, tout se passe bien. On écoute donc le groupe Chili Dogs avec un morceau qui compose leur album, qui est le premier morceau et qui a le même titre que l'album, qui s'appelle Something Must Change. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavericard. Made to know this world better. Remember you. Voilà, donc nous revenons dans les studios de Radio Arc-en-Ciel après ce morceau Something Must Change des Chili Dogs. On va donc retrouver nos invités. Ah voilà, ça commence à se préparer. Il y a les guitares et tout ça qui sont dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et il va y avoir une première interprétation en direct live. Donc on va retrouver les West Orleans dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà, on baisse la petite musique de fond qui va servir à rien, parce que de toute façon, vous avez votre propre musique. On va écouter donc la musique des West Orleans. On fait une reprise là tout de suite des Stray Cats. Ok. On finira sur quatre compositions. On va commencer quand même par une reprise des Stray Cats, Stray Cats Strut. Très bien. C'est parti. Cat suits and all things, and I took to the paddle rails. I'm flat broke, but I don't care. I strut right by with my tail in the air. Stray cats with a hammer, I'm free cats and over here. Get the shoes old Nami from a mean old maid. Get to my Gina from a garbage can. Meow. Yeah, don't cross my path. Johnny Holly looking for the fight. Wanted you to moon like in a hot summer night. Second the blues wall, the lady cats cry. Worst track out you out of room guy. Wish I could be a coffee and wine. A good cat glass and a good cat stand. Cat class and I got cat style. Ah, je suis désolé, yeah. Moi je m'entendais pas du tout, hein. C'est très compliqué. On entend bien ta voix, c'est le reste des instruments qui résonnent un petit peu. On va essayer d'arranger un petit peu. Hein. T'inquiète pas, on va essayer de peaufiner ça pour le reste de l'émission. Voilà, c'était très bien, ça s'est passé très bien. En tout cas, l'interprétation, bravo pour cette reprise donc des Stray Cats. Un superbe morceau, superbement interprété en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà. Le groupe West Orleans. Merci beaucoup. Voilà, voilà, on est en public restreint, mais on est vraiment content que vous soyez ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Tu veux, vous voulez enchaîner on va enchaîner par un petit Guess Who de B.B. King. D'accord. Un. Quand vous voulez, c'est parti. Ok. 1, 2, 3, 4. Thank you. so. Someone really care. Oh, guess who, baby? So open your heart. So tend or surely you'll see that someone really care. Oh, guess who, baby? Eternally, oh, eternally. Someone you need your love, oh, so desperately. Soften your heart, so tear. Surely you'll see that someone really care. Oh, guess who, baby? So baby. En direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, donc le groupe West Orleans qui nous interprète une superbe chanson. C'est une chanson de qui déjà tu m'as dit tout à l'heure? Excuse-moi, j'ai c'est, pas c'est une chanson de qui tu m'as dit tout à l'heure? De B.B. King. B.B. King, voilà, je cherchais le nom et pourtant je le connais bien. Yes, ouais, et en plus, super moment interprété. Bravo, en tout cas, moi ça m'avait fait donner des frissons quand c'était au caisson. Et là, rebelote, hein, voilà, dans merci, l'émission Mavrika, nous avons de l'émotion qui traverse les ondes. Et on a des petits retours, comme ça, on a notre ami Pat Mars qui nous écoute. Voilà, il dit pour une fois que je suis pas en répétition, je peux écouter un morceau. C'était le morceau des Stray Cats qu'il avait écouté tout à l'heure. Et donc il dit. Bonsoir à toute l'équipe de West. Et on a aussi Daniel, l'ancien bassiste du groupe West Orleans, oui, qui écoute ce soir et qui dit la voix passe très bien, la basse on l'entend moins bien. C'est vrai qu'effectivement il y a une petite résonance, mais bon, ça va, je pense que le son est quand même pas trop mal. J'ai mis le micro sur la basse. Hein. Très bien, oui. Temps, c'est une prise. Tu veux que je te dise quelque chose directe. Daniel me l'a dit, ça allait mieux, effectivement, parce que tu avais dirigé un peu mieux le ouais. micro. Donc ouais. On a réussi à capturer un petit peu mieux le son. Voilà, des fois il faut retoucher un petit peu en direct live. Mais bon, sinon ça passe bien. Et n'hésite pas aussi Bon, Moïse n'a pas le casque actuellement. Voilà, n'hésite pas aussi, Moïse, à augmenter ton casque, parce que c'est souvent avec le son, tu t'entends moins bien, simplement. C'est surtout parce que... la guitare que j'ai augmentée, moi, c'est comme d'habitude, quoi, tu vois. Oui, je sais bien. Je sais bien. Voilà. Toi, t'aimes bien quand ça envoie bien, et puis donc. Quand ça envoie bien, c'est j'aime bien quand je m'entends surtout. Ah ouais, d'accord. Juste ça, tu vois. Voilà, ben, très bien, je m'entends bien. Deux superbes interprétations. Et c'est vrai que le studio a une petite résonance, et puis forcément, c'est pas toujours évident. On est en mode restreint, c'est pas facile. Mais en tout cas, bravo à vous pour les interprétations que vous avez faites en direct live. Voilà. Donc voilà, il se rassoit. qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le groupe West Orleans depuis donc depuis 2017 où on était venu la première fois, on a présenté tout ça. On a pris 3 ans de plus. Oui, ça cheveux, c'est quelques petits cheveux blancs en plus. Non, ça, mais franchement, ça se voit pas. C'est vrai. Ouais, non. C'est vrai que les vendeurs de couleurs font des belles choses de nos jours. C'est-à-dire qu'on peut arriver à 70 ans et avoir les cheveux d'un brun absolu. Non, mais c'est-à-dire que là, on est assez content de l'évolution du trio qui, petit à petit, est en train d'être un petit peu plus, on va dire, dans le coin, un petit peu connu, à force de mettre des choses sur notre Facebook. Donc, du coup, ça s'est pas mal partagé. Moi, je remercie également toutes les personnes qui nous likent sur le Facebook, parce que quand même, il y a des gens important. Qui suivent. D'ailleurs, on va inviter les auditeurs à rajouter des likes. Et je remercie également toutes les personnes qui partagent. Ouais, je peux pas les citer parce qu'il y a quand même pas mal de gens. Mais merci à vous tous, en tout cas, de nous soutenir, de partager. Que ce soit les amis ou la famille. Merci à tous. Alors, j'avais dit à un ami que je ferais une petite dédicace Eric de Montargis, donc ça c'est fait, bonjour, et puis surtout un petit coucou à Laurent qui est à Béziers, qui est un ami qui passe des moments un peu difficiles, et je voulais dire je t'oublie pas, puis je t'embrasse mon ami. Voilà. Ça c'est important, c'est bien, la radio ça sert aussi à ça, à dire aux gens qu'on pense à eux et qu'on les aime, quoi. Et je t'aime mon loup. Très bien. Donc on a parlé un petit peu des concerts qui se sont passés dernièrement avec le groupe West Orleans. Donc on a parlé des questions tout à l'heure. On a parlé aussi de ce festival donc à Tours où il y a tous les trucs américains, American Tour, c'est ça, c'est comme ça qu'on l'appelle. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres concerts que tu as fait qui sont restés un petit peu dans ta mémoire plus que certains autres? Non, moi c'est plutôt une anecdote. C'est-à-dire que moi j'avais 14 ans, on commençait à faire de la. Oui, ça s'est resté dans ma mémoire. J'avais 14 ans, je commençais à faire de la guitare avec un trio. Et puis à l'époque, il y avait un petit groupe local qui avait 14 et 15 ans, mais qui avait un niveau extraordinaire. Et je me souviens que c'était ma première fête de la musique, on doit être en 83. Donc nous, c'était hier. On n'avait pas. Oui, ouais, c'était la semaine dernière, tout simplement. Et on n'avait pas grand chose à montrer ni à jouer. Et puis ces petits gars sont arrivés, ils nous ont dit Moïse, tu veux bien nous prêter un petit peu ta guitare et la batterie? Et ils nous ont fait un concert de Dire Straits de toute beauté. D'accord. Et bien évidemment, oui, je m'en rappelle parce qu'après j'ai pas repris la guitare, donc je m'en souviens très très bien. il t'a vu. Mais depuis, t'as progressé, évidemment. Donc Il y a beaucoup de travail. Mais c'est aussi des gens comme ça qui vous ont donné envie de progresser, tous les musiciens. Il y a toujours des modèles. On dit on aimerait bien un jour être à la hauteur, et puis un jour vous y êtes. Ouais, on est, en tout cas, je ne sais pas si on est à la hauteur, mais on va dire qu'on se donne du mal pour avoir un. Moi. Ouais, Benoît. Moi, je confirme que oui, ils sont à la hauteur, ils sont très bons. Autant Moïse que Philippe, moi j'ai intégré le groupe il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. Et puis, c'est vraiment, quand je les ai entendus, je me suis dit, putain, ces gars-là, ils sont super bons, quoi. Mm-hmm. Et ça me ramène à. Dans les années 80, quand je jouais au tout début, je jouais du rock'n'roll, rockabilly, etc., ouais. De musique des années 50, de swing aussi. Et ça me ramène. Je peux dire que ces gars-là, c'est aussi ma Madeleine de Proust, quoi. Ils me ramènent dans le passé. D'accord, donc ils te permettent de rajeunir. Ah ouais, tout à fait. De revenir aux origines. Et ils sont très sympas tous les deux, ils sont très pros. Le son, ils ont leur son, et c'est vraiment un son qui me convient très bien. Et il a une qualité de composition, Moïse, autant musical. Que vocal, que les paroles et tout. Merci. Franchement, ça nous emmène et puis ça donne envie de continuer. Et puis c'est un gars qui ira très loin et il va faire beaucoup de concerts, c'est sûr. Ça me va, ça. Très loin, on sait pas. Et en plus, Benoît, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps. Je connais ses goûts musicaux et tout ça. Et le jour où j'ai appris qu'il a intégré le groupe West Orleans, Bah, je trouvais que ça allait bien. Je me suis dit, même je lui ai dit tout à l'heure en début d'émission, quand on s'est retrouvé, on dit bah tu vois, je trouve que ça te correspond bien. Le style, voilà, vous avez des gens qui aiment ce style de musique, et puis vous le mettez en valeur et continuez comme ça, quoi. Il a l'énergie nécessaire également, c'est-à-dire qu'il faut avoir une sacrée énergie de batteur pour intégrer notre trio, parce que c'est vrai qu'on va vite. Ouais. Et pour la petite anecdote, il y a quelques temps, on a essayé de recruter deux batteurs qui, au bout de 45 minutes, nous ont dit non, c'est bon, j'arrête, c'est pas pour moi. Et moi, à chaque fois, je leur dis next, allez, prochain morceau. Donc quand Benoît est arrivé, j'avais un peu briefé Philippe en lui disant je t'en supplie, on joue pas la vraie vitesse parce que je veux pas qu'il s'en aille. Ah oui, vous avez joué les morceaux en slow, quoi. On va dire qu'ils ont été faits à 90%, et puis après on a mis Il nous a vite montré qu'il fallait qu'on joue à la bonne vitesse. Le tempo, c'est le tempo, il faut c'est le respecter. Le public, le courant passerait bien. C'est clair. C'est vrai qu'on a une bonne section rythmique avec Philippe qui donne bien. Bah, ça marche bien en tout cas. Bah, continue comme ça, parce que là on a pu apprécier deux morceaux, mais il y en a encore d'autres qui vont venir dans le courant de la soirée. On a parlé un petit peu de ce qui s'était passé, donc des concerts, ce qui vous a donné envie de faire la musique et tout ça. Alors est-ce qu'il y a des projets justement, parce que West Orleans c'est ce soir, projets, donc ouais, déjà demain il y a un truc. Hein. Alors déjà je remercie aussi une personne qui s'appelle Arnaud Malandin, hein, qui nous donne un sacré coup de main sur le son, qui travaille aussi avec un groupe que vous connaissez très très bien qui s'appelle Enigma. Oui. Hein, donc j'en profite. Hein, pour le dire. Donc merci Arnaud pour tout ce travail que tu nous fais et que tu vas nous faire, je pense. Et puis on a des projets aussi de CD, de choses comme ça, d'enregistrement, ce qui est normal. D'accord, parce que pour l'instant, c'est vrai que les enregistrements que j'ai diffusés en début d'émission, c'est un enregistrement que j'avais enregistré moi ici. Oui, c'est vrai. La semaine où vous êtes passé, il y a exactement deux ans, donc c'était en 2017. Donc c'est le morceau que j'avais, mais. Moi, dans ma vie, j'ai souvent fait les choses à l'envers. C'est-à-dire que bien souvent, on fait un CD, on fait de la promo, après on va jouer. C'est-à-dire que moi, je joue, ils me font un petit peu de promo, parce qu'apparemment ça a de plaire, et puis après on fait c'est les gens qui réclament maintenant un CD pour pouvoir emmener un petit bout de vous après les concerts. Et puis c'est toujours agréable, je pense, d'avoir quelque chose de posé sur sur une petite galette, ça permet quelque chose qui est immortalisé. Ouais, et puis d'avoir quelque chose de propre et d'immortalisé, c'est vrai, parce qu'on n'est pas éternel. Hein. Et ça reste, hein, on parlait tout à l'heure d'Elvis. Peut-être que ça restera dans un petit bout d'un satellite, bloqué quelque part, dans une petite mémoire, même quand je serai plus là. Ou alors quelqu'un va fouiller dans les... Ils l'ont envoyé sur Voyager, parce que ça c'est trop tard, c'était en 76. Lui c'est Chuck Berry, c'est pas pareil, mais bon voilà, ça sera peut-être immortalisé quelque part. Voilà, quelqu'un il va retrouver un disque dans un grenier, il va écouter des... Les projets c'est surtout d'aller jouer, puis jouer quoi. Voilà, donc des enregistrements déjà, jouer, faire des concerts. Faire plaisir. On rappelle la date de demain donc. Oui, tout à fait. Donc à 19h, donc chez les Bikers MC Indre-et-Loire. Donc ça se trouve Château Renaud, tout simplement, dans le 37. Vous avez toutes les informations sur notre page, donc West Orleans, tout simplement. Et puis pour ceux qui ne l'auront encore pas fait, vous pouvez ajouter un petit pouce, hein, comme quoi, voilà, ça vous plaît, ça vous convient. Ou un petit commentaire en Messenger, si j'ai 2 minutes, même quand j'aurai 2 minutes, je répondrai d'ailleurs. Tu répondras, tu réponds toujours. Oui, en général. C'est toi qui es derrière ce Facebook ? Ouais, et puis de temps en temps, on voit avec les collègues ce qu'on met, ce qu'on met pas, ce qu'on enlève, c'est normal, ils ont aussi leur mot à dire. Hein. Et puis vous voyez aussi les commentaires, les petits messages, tout ça, c'est important. Oui, tout à fait, et puis ils m'aident aussi, ils partagent, donc c'est très bien aussi que chacun ait une page respective. C'est pour ça que j'ai un profil, une page, et puis eux, ils ont leur profil également, puis ils partagent, comme on partage tous les uns les autres pour rester de bons amis. Il y a justement Dany qui regarde les photos de cette émission numéro 409, mais c'est 309 normalement. Ouais. 309, c'était il y a 2 ans. Et la 409, c'était avec Melody Road. Tu as raison. Si tu veux, je peux te reparler. Je te parle de ton planning. Tout à fait. Parce que là, je le voyais et finalement, je regarde. Oui, effectivement, cette photo-là, elle a été prise parce qu'il fait partie aujourd'hui du groupe Melody Road. Ils ont un groupe qui est très bien, d'ailleurs, que je regarde de temps en temps, tout à fait. Et qui est déjà passé dans l'émission Mavrica. Voilà. Oui, bien sûr. Pour la 409. 409. Et la 300. Donc 309. Et la 309, nous, c'était un petit peu avant. C'était sans émission avant. Sans émission avant, comme quoi. Il y a toujours de l'eau qui coule sous les ponts, de toute façon. Ouais, c'est marrant. Donc, Daniel, lui, il est venu. Il y a eu 100 émissions entre les deux émissions où il est venu. C'est marrant. Oui. Et moi, j'apprécie la 421. La 421. Ouais, 421. J'aime bien. Ah ouais, le c'est jeu, sympa, le 421. Jeu. Je trouve que bien pour la 421e. Moi, j'aime bien. 421. Ouais, c'est vrai, je n'avais pas fait attention. Mais j'ai failli mettre les 421 sur ton émission. Mais j'ai dit non, je ne la fais pas. plus un vendredi 13. Et le vendredi 13, le 4/21 est sorti. D'accord. Ouais. Eh ben voilà, impeccable. Bah comme quoi, tu as de la chance au jeu, non? Plutôt on a un non. Non, non, non. Non, t'es comme moi, toi. Moi, quand il y a un truc à gagner, je gagne jamais, mais il y a un comme mauvais truc qui doit arriver, c'est pour moi. On peut pas être gagnant dans tout, je préfère être gagnant en amour qu'en jeu. Donc, d'ailleurs, à ce sujet, je salue ma femme. D'ailleurs, qu'on avait été au caisson. Et lui aussi. Qu'on avait été. On l'aura d'ailleurs. C'est gentil. Quand on était passé au caisson, il y avait eu une place à gagner pour Manu Lanvin. Oui. Et moi, j'étais le numéro 8. Et c'est le numéro 7 qui a gagné. Et j'ai eu peur. Et c'est le premier Annabelle qui avait gagné. C'est Annabelle qui a gagné. Elle pourra aller voir Manu Lanvin. Donc, ah non, c'était pas Manu Lanvin. Yarol Poupeau. C'était Yarol Poupeau qui repasse le 12 octobre. Repasse, ouais. Et d'ailleurs, tout est complet. Donc, elle a eu la dernière place. Organisée par les Red Daft. Donc, au caisson, à Talcy. Voilà, on en reparlera d'ici là. Il y a plein de choses à encore commenter. Et d'ailleurs, notre ami Didier, elle est là pour faire l'agenda de Mavrika à partir de 22h pour nous présenter justement tout ce qui va se passer dans la semaine. Yes. Voilà. On continue avec un petit peu de musique. Si vous voulez. Vous l'interprétez ou ouais. Je passe un petit morceau avant ou on fait comment? Oh non, vous... Comme vous voulez. Allez-y, mettez-vous en place voilà. et on fait ça comme ça en direct live. On est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel et l'émission Mavrika, c'est comme ça, c'est avec de l'authentique. Hein. On ne triche pas, il n'y a pas d'effet dans les micros, il n'y a pas de vocodeur, il n'y a pas de trucs rajoutés. Donc c'est vraiment le son en direct live et on est dans les studios de Radio Arc-en-Ciel donc pour un troisième live du groupe West Orleans. Voilà, ils se mettent en place, ils vont très vite. Ils vont très vite. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, quel morceau allez-vous interpréter donc pour... J'apprécie de me faire un peu de place dans ce monde de brut. Ouais. Là, j'y arrive pas. Ouais, le studio est assez restreint, donc on est en mode restreint dans les studios. Il y a une table qui prend les trois quarts de la place. Ah bah oui, le problème, il est là. Le problème est là. Ok, donc c'est bon. D'abord, on va vous interpréter un morceau qui s'appelle Cadillac, qui est une composition personnelle donc du groupe, tout simplement, qui est un petit rock swing. Salut les amis, hier j'ai acheté une super caisse. Elle est vraiment jolie. Tombé sur les fesses, c'est une belle Cadillac avec un tas de pièces en bois. Cadillac, bébé, Cadillac, depuis le temps que je t'attendais. Cadillac, bébé, Cadillac, oh, mais tu t'as miné. Place désirée, venez à l'intérieur pour vous faire balader. Si c'est OK, si c'est DAC, je ramènerai en Cadillac. Cadillac, bébé, Cadillac, depuis le temps que je t'attendais. Cadillac, bébé, Cadillac, reviens-tu, vitaminé. Allez viens, je t'emmène faire un tour sur ta vie, changer les idées, te faire découvrir Paris. Allez bien, je t'emmène, oublie tous tes soucis. J'ai un cœur de bohème et un cœur qui fait du bruit. Oh. ce matin. Pas de problème, pas de boîte, au volant de ce Cadillac. Viva Cadillac, viva Cadillac. Du temps que je t'attendais. Cadillac, viva Cadillac. Reviens-tu, tu domines. Allez, viens, je t'emmène faire un tour sur ta vie. Change les idées, te faire découvrir Paris. Allez, viens, je t'emmène, oublie tous tes soucis. J'ai un cœur de bohème et un moteur qui fait du bruit. Cadillac, viva Cadillac. Tant que je t'attendais. Cadillac, viva Cadillac. Reviens-tu, tu t'animais. Cadillac, viva Cadillac. Plus de temps que je t'attendais. Cadillac, viva Cadillac. Reviens-tu, tu t'animais. Merci. Yeah. Merci beaucoup. C'est bravo, Cadillac. Bravo. Comment ça envoie. Donc merci. Une composition qui s'appelle Cadillac que j'ai déjà eu l'occasion de découvrir et qui envoie toujours aussi bien en tout cas. Merci beaucoup. Bravo en tout cas pour les compositions. Merci. Alors comment ça vient les compositions. C'est toi qui les fais. Comme une envie de, je sais pas comment dire. Ouais, il y a des fois une idée qui vient, c'est l'inspiration qui vient. Ouais, voilà, ça c'est ça. C'est-à-dire que des fois vous trouvez un petit accord, vous le retravaillez, vous enchaînez sur quelque, enfin, on enchaîne sur quelque chose, et puis après on se dit tiens, je pense que je tiens un truc. Des fois ça peut dormir dans un placard pendant des mois, et puis des fois ça peut sortir très très vite. Donc ça dépend, c'est aléatoire, c'est-à-dire que. Et alors pour cette chanson, c'est venu très vite. Ouais, c'est vrai que c'est venu assez vite parce que je me suis dit à un moment, bon bah voilà, les reprises c'est bien, mais ce serait bien qu'avec les copains on ait autre chose, et je me suis mis à écrire les paroles, la musique, et puis voilà, puis après j'ai des super interprètes avec moi, donc ouais, et en plus de bien booster tout ça. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours l'esprit américain avec les belles voitures, les choses comme ça, donc vraiment dans l'esprit de West Orleans. D'ailleurs, le nom West Orleans. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de ce nom-là? Alors ça, au départ, on est un peu deux. C'est-à-dire qu'on est parti ouest. Il me semble que Nicolas m'avait dit au début, ouest, c'est pas mal. Et après, moi, j'avais rajouté Orleans ou vice-versa. Et après, bon, on s'est dit, West Orleans, c'est très bien. Donc, ouais, parce qu'il y a le côté western, le côté américain. J'y arrive. Et il y a aussi Orléans. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que West, c'est la musique de l'Ouest, hein, ouais. La conquête de l'Ouest, et puis Orleans pour Orléans. Donc on s'est dit West Orleans, ça me paraît pas trop mal. Ça sonnait mieux que West Saint-Privé. Ouais, ça aurait pu. Tu vois Saint-Privé avec l'accent anglais. Voilà, donc je me suis dit West Saint-Privé, les gens ils vont rien comprendre. Par contre, West Orleans, ouais, ça passe. Voilà, et t'as composé donc un morceau en français, parce que quand tu composes, c'est en français, toi. Bah oui, parce que les reprises, souvent, bon, j'ai envie de dire, c'est souvent des reprises anglaises ou américaines, parce que le grand rock'n'roll à la base. Il vient de là, il vient bien de là. Sûr. Et puis après, c'est sympa d'avoir une petite touche en français, mais c'est aussi une difficulté, parce que faire sonner des mots en français, c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas facile, on tombe tout de suite un peu dans le bateau, quoi, c'est pas simple. Mais bon, je pense qu'après, la façon dont ça peut être envoyé, si le texte. Bon, à un sens, ça peut donner quelque chose d'énergique, il n'y a pas de problème. Donc même en français, ça peut le faire. Et d'ailleurs, on a un titre aussi qui s'appelle West Orleans, qu'on a tendance à jouer à la fin, parce qu'il est assez dynamique. On se garde pour la fin. Absolument. Absolument. Vous voulez faire une interprétation ici en direct, là, tout de suite? Absolument. Puisque vous êtes en place, et puis on y va, et puis après... C'est parti, on va vous interpréter, je pense qu'on va vous jouer un petit « Allez, viens ». Allez, viens. Allez, viens, Mr. Rock'n'Roll. Je demande à mes collègues ce qui leur convient. Allez, viens, c'est bien. Allez, viens, allez, on y va alors. Bon, alors, très bien. C'est parti, quand vous voulez. Allez, viens, c'est parti. Excuse, moi je m'entends pas, il faut vraiment que je monte mon son, je suis désolé. Hein. Je veux bien jouer, mais il me faut de la tête. Voilà, je suis désolé. Et puis là, je n'entends pas, ça sort pas. Si quelqu'un voulait s'en occuper, j'ai autre chose à faire. Ouais, le casque, il est branché, c'est bon, là, tu l'as ? Ça va. C'est bon. Hein, sinon, augmente. N'hésite pas à augmenter, parce que quand il y a la musique, c'est un peu perturbant aussi. C'est pour ça que je suis un peu perturbé. Ouais. Voilà, ça y est, très bien. C'est bon. Voilà. Bonjour tout le monde. Bon, allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Regarde-moi dans les yeux. Moi c'est sûr, je ne te laisserai pas là. Je ne ferai pas comme ça. Bon, comme si tu n'existais pas. Allez viens, allez viens, et danse avec moi. Toi qui as connu toutes ces lumières, toi qui ne veux plus de nous. Les ordres, la canière, tu me quittes maison à mon cou. Allez viens, allez viens, et danse avec lui. La soleil est revenu dans ta vie, quand tu la vois, ça va. Elle te regarde, tu lui souris. Allez danser là-bas. Allez viens, allez viens, et danse dans ses bras. Wopa, wopa. Rock and roll, vous dansez comme de fou. Je sais le titre, c'était K.O. Vous finissez sur les genoux. Allez viens, allez viens, et danse avec nous. Et tu vois, la pépise a fond du cou. Il n'est jamais trop tard. Se tenir par le cou, danser sur le son des guitares. Allez bien, allez bien, tu vois, ça repart. Années sont passées, et sur ta Harley machine, tu balades ta moitié, y'a tous les trous qui sont le dos. Allez viens, allez viens, et avance en bottine. Allez viens, pour ta copine. Bravo. Super. C'était super. Allez viens. Allez viens, donc encore une composition. Voilà, très bien. Avec toujours les Harley, les motos, les belles choses, le côté américain. West Orleans, ici, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Merci beaucoup. Super. Ouais, bah, il fait très chaud dans les studios. Bon, bravo, en tout cas, vous avez chauffé encore plus l'atmosphère. Là, je crois qu'on l'a dépassé. On va faire déborder le mercure. Bah, ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale. Et comme ça, ça vous allez pouvoir vous reposer un petit peu. Merci. Et on va écouter des artistes qui sont déjà passés dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit de Back in the Days. Et Back in the Days qui a sorti un album qui s'appelle Coming from the Past. Et on va écouter un morceau qui s'appelle Drink. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrica. You know why I am so dumb. The consequences blowing me off. Why ask the question, but nobody knows. I drink for a reason, drink for a reason no more. I drink for a reason, drink. My need is to know why I am so dumb. My mind was slow, they are fucking low. What consequence is blowing me off? I ask the question, but nobody knows. I drink for a reason, drink for a reason. Viril. trois cartouches. Faut que je me serve de mon flingue, sinon je deviens dingue. Il faut que je dégomme, que je dépouille. J'ai l'odeur de la poudre, il faut que je tire n'importe où. C'est le premier truc qui bouge. Faut que je déglingue, que je dégomme, que je montre que je suis un homme. L'émission Mavrika, il y a du live, il y a aussi des morceaux enregistrés. On vient d'écouter justement deux morceaux enchaînés. On a écouté à l'instant Le Soupul avec un morceau qui s'appelle Les Trois Cartouches. Et je peux vous dire que Le Soupul sera ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Peut-être il est déjà passé, mais ils seront ici aussi à la Chapelle Saint-Émin pour aller dans l'espace Bérère pour le Mavrika Live numéro 11. Ça sera le 9 novembre. Donc c'est un des groupes qui participera donc au Mavrika Live numéro 11, le 9 novembre, il faut réserver la date tout de suite. Et donc il y aura Le Soupul, il y aura Full Tank, il y aura Shaky Met et il y aura aussi Joshua Cook. Voilà, j'ai oublié personne cette fois-ci. Voilà, on retourne dans les studios de Radio Arc-en-Ciel parce que là on vous parle d'événements et notre ami Didier va nous parler des autres événements qui auront lieu dans la semaine qui vient, donc à partir d'aujourd'hui je pense. Ça va Didier? Bah écoute, ça va bien, ouais. Impeccable. Ouais. Avec les West Orleans. Bah, il me manque une oreille, mais sinon ça va. Il te manque une oreille, d'accord. Ah, tu l'as oublié en vacances, non? Ouais, c'est ça. Alors, tu veux nous parler donc des événements de la semaine. La semaine dernière, c'était notre amie Annabelle qui avait fait l'agenda. On s'était mis à deux. Hein. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Et ouais. on a eu un mal fou à remplacer Didier. Donc ouais, là, on est vraiment content qu'il soit là. Tu oublies tes papiers aussi. Mm-hmm. Tu prépares des papiers. Ouais, je prépare des papiers et je les oublie. Ouais. Mais bon, je les ai retrouvés parce que de toute façon, tu sais où est-ce que je vais chercher les informations? L'agenda de Mavrika et puis tous les événements. Non, mais on s'est rattrapé quand même. Hein, on s'est rattrapé. Nous sommes arrivés. Hein. Ouais. Peut-être pas aussi bien que toi, c'est sûr. Voilà. C'est clair. C'est sûr. Voilà. Ça, c'est pas sûr non plus. Hein. Alors, aujourd'hui, ça y est, tu vas rentrer dans le bain tout de suite alors, donc, et nous parler de ce qui se passe ce soir. Ce soir, vendredi 13. Vendredi 13. Vendredi 13. Ouais. Eh bien, écoute, vous en avez parlé la semaine dernière. Il y a des petites nouveautés qui se passent au Novotel. Ouais, voilà. J'ai vu ça. Donc, ils ont tous les vendredi soir, il va y avoir un concert au Novotel. Ça s'appelle Live à la demeure. Mm-hmm. Et la semaine dernière, il y avait Tim, non? C'était Tim qui ouvrait le bal. Ouais. Et puis aujourd'hui, c'était A Kind of Color. A Kind of Color, donc voilà. Notre ami Georgia. Voilà, donc c'est à 19h. Et Serge. Et Serge. Et Serge. Voilà. Serge. Voilà. Puis on avait aussi également la Payotte à 19h30 aujourd'hui. Donc la Payotte toujours là jusqu'au 22 septembre, je crois, si vous voulez profiter un donc, petit peu. Donc il faut profiter des dernières semaines. Quoi. Voilà, de profiter des bords de Loire, de cette magnifique guinguette qui est Prague, donc côté sud. Et ce soir, c'était de la chanson japonaise traditionnelle. D'accord. C'est pas banal. Et c'était Anna Akari. Ok. D'accord. Voilà. Et puis on avait côté un exotique. Endroit, un endroit que j'ai découvert aussi pendant les vacances, là, pendant juillet-août, pas pendant mes vacances, mais pendant les vacances de tout le monde en fait. Ouais. J'ai découvert le café des de la mairie. Oui, effectivement. Moi, voilà. J'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais effectivement, voilà, j'ai été invité. Je suis invité à chaque fois. Voilà. Donc, ça fait vraiment plaisir de savoir que. Voilà. J'ai découvert un endroit très sympa pour les artistes. Mm-hmm. C'est un endroit très rare. Parce tout que, le monde me dit du bien. Voilà. D'abord, c'est ils sont très bien accueillis. Et puis, c'est un endroit très rare parce que il se passe de tout. D'accord. Du live, des jeux, de la lecture, c'est un café culturel en fait. Oui. Mm-hmm. Et il y a très peu d'endroits comme ça, donc il faut y aller. Il faut y aller parce que voilà, ouais, parce que c'est raison, très bien. Ouais. Lailly-en-Val. Et ce soir, c'était Mathis Poulain. D'accord. Ouais. Donc Mathis Poulain qu'on a eu l'occasion d'interviewer à Balade en musique il y a 2 ans déjà. Hein. Oui. Le temps passe vite. Et d'ailleurs, il faudra qu'on l'invite. Et qui avait candidaté pour le Mavica Live. Pour le Mavica Live. Il va falloir qu'on l'invite à nouveau aussi dans l'émission. Parce qu'il n'est pas encore venu. On l'avait interviewé, mais on n'était pas dans les studios. Faut qu'il vienne. Parce qu'il a vraiment sa place. C'est un artiste bourré de talent. Ouais. Et on serait bien content de le retrouver. D'ailleurs, j'ai découvert plein d'artistes cet été. Jarjou, c'était énorme. Il y avait plein d'artistes nouveaux. Donc tu vas certainement voir des demandes d'émissions, des choses comme ça, parce que je les ai tous branchés. D'accord, très bien. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des contacts. Et d'ailleurs, il y en a certains que tu nous avais. Tia, qui a gagné le tremplin de Jarjou. Donc là, c'est une grosse claque qu'on a pris tous. Un bon groupe alors. Un très très bon groupe. Très bien. Par contre, ils sont 7. 7. Ah, ok. Voilà. Ah oui, voilà. Donc il va falloir s'organiser. Ouais. Et puis là je suis en attente encore de 2-3 groupes qu'on avait vu avec mon ami Olivier Dominguez si ouais, et qui est là ce soir. Salut Olivier. Bonsoir tout le monde. Ça nous fait plaisir. Ouais, moi aussi ça fait plaisir de revenir parmi vous. Ouais, et puis en plus là il y a eu les vacances, donc on s'était un petit peu perdu de vue, puis là on retrouve un petit peu l'équipe au fur et à mesure. Donc Olivier qui est venu faire un petit tour ce soir. Bah ouais, tu nous as préparé quelque chose ou tu es juste venu? C'est juste je suis en guest star. En guest. Donc je te disais, donc on avait été à Férolles pour le petit festival de Férolles, et on avait été voir les Red Daff. Mmh. Et on a été agréablement surpris du groupe de la deuxième partie qui s'appelle les Vilaines Choses. D'accord. Et qui ont mis un feu de dingue. Tout là. Donc il y a des chances aussi qu'on les ait dans l'émission. Mais d'accord. Alors, attention, ça va partir. Tout azimut là. Ouais, d'accord. Il va y avoir de la vanne. C'est des malades. Ok, d'accord. Aussi bien du théâtre que de la chanson. Enfin, ils font des petits sketchs en même temps qu'ils chantent. Il y a toute une chorégraphie. Ça promet une émission. C'est vraiment génial. Ouais. Quoi. On est encore parlé avec ça. Dystopia aussi. D'accord. Nicolas et Marjolaine, un groupe de Paris également. Ça va très vite. Hein. C'est vrai que pour les gens qui veulent venir dans l'émission Marika, il faut nous contacter. Et des fois, il faut attendre plusieurs mois. Ça se fait pas comme ça. C'est pas si simple. Je vais mettre un petit formulaire de demande de participation à l'émission. Comme ça, les gens pourront participer dessus et nous, on pourra les contacter. Ils choisiront une date, ils mettront la date qui les arrange et nous, on d'accord, et puis si c'est possible, on les case, et si c'est pas possible, on propose d'autres dates. Hein. Voilà, de toute façon, il y a la place pour tout le monde, parce qu'on fait cette émission déjà depuis presque 10 ans, et il y a toujours des gens à découvrir, donc et on prend beaucoup de plaisir en tout cas à les découvrir et à les faire découvrir aussi aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Bon, revenons à nos moutons. Vendredi 13 et samedi 14 septembre 2019, c'est le festival Hop Hop Hop. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. Donc c'est un festival qui est dédié à tout ce qui est musique émergente. Voilà. Ouais. Donc des artistes de demain, des tendances inédites, des univers musicaux en devenir. Donc il y a 5 lieux. Ça se passe au centre-ville d'Orléans, hein, donc il y a le Jardin de l'Évêché, le Centre chorégraphique national d'Orléans, la scène nationale d'Orléans et le 108. Ouais, donc c'est des endroits qu'on connaît, il y a des endroits auxquels on est habitué, d'autres qu'on peut découvrir. Voilà, il y a 35 groupes, alors je vais vous faire grâce de les citer. Hein, donc pour connaître le nom des groupes, c'est simple, hein, c'est le www.hoppoppop.fr, alors H-O-P-P-O-P-H-O-P. Ouais. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Toi-même. Voilà. samedi 14 septembre. Donc ça, c'est demain. Dis donc. Ouais. Bah oui, déjà. Après le 13. Déjà demain. Ouais, c'est déjà demain. On a un petit festival qui s'appelle Escale en Fête. Donc c'est la première édition. Ça va se passer à Combleu au bord du canal. Donc ça commence à 10h. Ça va durer jusqu'à 23h. Donc il y aura tout est dédié sur le canal, c'est la fête du canal, donc il y aura des promenades en canoë, des balades en bateau, démonstrations d'aviron, un atelier d'aquarelle, c'est sympa aussi ça, un atelier de nœuds marins, du maquillage et une exposition sur l'histoire du canal d'Orléans. D'accord. Donc, mais pas que. Mais pas que. Pas que, évidemment. Il y aura de l'animation musicale avec les fils de Galarne. Ça, c'est les chansons de marins. Chansons de marins, chansons de mariniers peut-être. Voilà, fils de Galarne qui officieront également aux fêtes de Loire, si vous suivez l'actualité orléanaise. Il y aura des sardinades également et puis il y aura deux concerts sur un bateau. D'accord. Voilà, des live on boat avec Bodega Banda à 19h et Twister Cover à 21h. Ah, Twister Cover, nos amis, Twister Cover. Voilà, voilà. Sur un bateau. Ça peut être sympa. Ouais, faut avoir le pied marin par contre. Ouais, ça dépend du bateau. C'est, hein. C'est marin d'eau douce. Hein. C'est ça, c'est le canal. Il n'y a pas beaucoup de vagues sur le canal. S'il y a une tornade qui passe. Mais sauf si tu plonges. Aussi. Voilà. On a également Orléans hors les murs. Donc, comme à peu près souvent le samedi après-midi, donc à partir de 16h, ça va se passer Place du Mar 3, et c'est le Red Line Crosser. Donc ça, c'est un mélange de carnaval de la Nouvelle-Orléans et puis de danse hip-hop. Très bien. À découvrir. Puisqu'on est dans le carnaval, il y aura la belle image fanfare. Donc ça, c'est pas loin de chez toi, ça va se passer à la Chapelle Saint-Émain, dans le parc de Bérère. Ok. Voilà, donc c'est pour ouvrir la saison culturelle 2019-2020. C'est ce que j'allais dire justement, donc la saison culturelle qui commence samedi. Voilà. Voilà. Donc avec la belle image. Donc c'est une fanfare Latino Roots, c'est à 16h30. Très bien, ok. Voilà, on pourra terminer la soirée également à Fleury, au parc de l'Ermitage. Donc c'est rue Paul Sanier. Non, c'est rue de Lamballe. C'est, voilà. Il faut prendre. Voilà. Là, après, voilà, c'est à droite, Marc d'accord. Vignier, après, c'est voilà. À gauche, rue de l'Orval. Ta rue aura donc sur Glane, tu la traverses, voilà. Et tu vas jusqu'au bout, tu passes devant le stade droite. Du CJF. Voilà. Et là, voilà. Ok, d'accord, bah, c'est noté. Donc, rappelez le nom de la rue, les gens chercheront avec leur GPS. Voilà. Donc, c'est Parc de l'Ermitage, donc à Fleury-les-Aubrais, à partir de 18h. Il y a deux groupes mondialement célèbres. Hein. Donc, le premier, c'est Stinger et The Grape. Stinger et The Grape. D'ailleurs, je crois que c'est l'inverse. C'est quand même deux excellents groupes que nous avons eu la chance de recevoir ici à plusieurs reprises déjà, parce qu'on les connaît très bien. Et donc deux groupes qui seront en même temps, donc Stinger et The Grape. Ça, c'est beau. Et puis, pour ceux qui connaissent pas, il faut bien nombreux. Hein. Bah oui. Voilà. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut là-bas. Hein. Le tout, c'est de viendre. Voilà, tout, c'est de viendre. Également, tombée de dernière minute, la Mourad sera à Beaugency, au Bouzard Galerie, de 11h à 11h30. Mourad, ouais. Voilà, Mourad. Un très talentueux Orléanais, donc, que nous avons reçu déjà plusieurs reprises ici dans les studios, voilà. Et qui écrit des superbes textes et puis une super musique. Allez le voir, hein, c'est vraiment. Qui a officié également, qui s'est fait son petit Jarjo Plage cet été. Ouais. Motette sera au magasin Harley Davidson, ça c'est à Olivet, au village moto, et c'est à partir de 16h. Ouais, les Motettes qu'on a reçus ici à deux reprises, au moins deux fois, ils sont venus ici dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Donc c'est un groupe que j'ai eu la chance de voir plusieurs fois en concert, et je peux vous dire que ça envoie bien, ils font des super reprises, et puis ça bouge très bien en tout cas, c'est super. On reste toujours à samedi, donc la Payotte, donc j'en ai parlé tout à l'heure, donc toujours, c'est toujours Quai de Prague, hein, c'est toujours du côté sud de la Loire. Trois musiciens qui se retrouvent pour proposer une musique improvisée, donc c'est pour l'occasion de laisser place à l'imprévu. Et voilà, donc le groupe, ça s'appelle Imprévu. D'accord. Et donc à l'accordéon, vous aurez. Je crois qu'il s'appelait Alain. Aliénor. Alain Prévu. Oui. Accordéon, donc Aliénor Guéniflé, qu'on peut voir dans le groupe. De Beaugency, ça y est, j'ai perdu le nom. Nikonitet, voilà. Qui n'est pas de Beaugency, mais. Non, mais bon, bref, c'est parce que j'ai associé à Beaugency. Ouais, d'accord. Voilà. Saxophone ténor avec Aubin Guy Mémessi, hein. Et saxo alto, Joanne Tillet. Voilà, donc c'est à 19h, donc à la Payotte, côté sud-Loire. Ok. Il Valais sera à l'inauguration du Vapobar, donc un tout jeune nouveau bar, un nouveau concept à Olivet, c'est 28 rue du Languedoc, c'est dans la ZAC des provinces. D'accord, encore j'avais vu ça, un bar à Olivet, mais je voyais pas où ça se situait, donc dans la zone d'activité commerciale des provinces. Voilà, où on trouve le grand supermarché. D'accord. Voilà. Hypermarché, je crois qu'on peut dire même. Hein, je crois qu'on peut même dire hypermarché. Hypermarché, ouais, ouais. Hyper. Ouais. On pourra aller se faire casser les oreilles également au Palais du Fromage à 20h30 parce qu'on aura le groupe Résistance Secondaire. Ouais, Résistance Secondaire. Voilà, pour un cassage d'oreilles en bonne et due forme. Ouais, encore, c'est une version soft. Une version soft. Résistance secondaire, ils sont capables de faire pire. Ouais. Sioux Project, donc ça c'est un groupe avec Anthony Armini, David Kozak, Laurie Gervais et Hélène Mouton. Donc, c'est un groupe de jazz par contre. Ouais. Pour le, c'est pas un groupe de salsa. Ouais, son, parce qu'ils nous habituent à ça. Voilà. Mais on sait qu'ils sont capables de jouer toutes les musiques. Hein. Ce sont de très bons musiciens. Voilà. Et ça va se passer à la Maison de la Polyculture à Ormes, c'est à 20h30. Et puis pour terminer dans un autre style, on aura une ambiance musicale slam au Club 15. Donc ça c'est de la poésie déclamée sur fond musical. Voilà, un instant magique et poétique présenté par Tom Dorval qui sera accompagné à la guitare par Samuel Archambault. Voilà, c'est une entrée libre et c'est à 21h. Ok, bah, déjà il y a pas mal de dates. Et ça c'est demain. Hein. Tout ça, c'est demain. Ça fait beaucoup. Eh ben, disons, ça fait trop de choses d'ailleurs. Ça c'est demain, dimanche. Ça, c'est pour terminer le samedi. On attaque le dimanche 15. Ouais. Dimanche 15, pas possible 15. Ah. 15 c'est pas 15 pas 15 non 15 c'est pas possible dimanche pour une fois il y avait donc dimanche on en parlait tout à l'heure avec Annabelle, il y a le Broken'Roll, donc c'est à Talcy, donc c'est organisé par nos amis Red Daff. Ouais, l'association Red Daff, du groupe Red Daff. Voilà, du groupe Près Red du Daff. Château, là, ça va être magnifique. Voilà, il y a 4 concerts gratuits, donc c'est à partir de 9h le matin. Il y a des concerts, je crois que c'est à partir de 10h. 10h30 des concerts, ouais. Ça ouvre à 9h, oui. Voilà. Et donc on pourra voir Sadou, Odéon, 41 et Soul Latitude. Très bien. Mmh. Et puis entre autres, il y aura aussi une brocante dédiée à tout ce qui est instrument de musique, tout ce qui est univers musical en fait. Ouais, univers musical. Des CD, des vinyles, des disques, des platines, du matériel de musique, des guitares. Annabelle à un stand aussi. Annabelle. Oui, juste à côté du stand de la radio. Oui, effectivement, je pense que il y aura le stand, stand de l'émission, de l'émission Mavrika. Donc voilà. Jardin en fête également. Jardin en fête. Donc là, c'est le concept, hein, c'est les particuliers qui ouvrent leur jardin et il y a des groupes qui viennent, il y a des expositions de peinture, il y a plein de choses. Alors, je vais pas vous donner tout le programme parce que c'est pareil, hein, il y a pléthore de groupes. Ouais, mais donc, on peut les inviter à aller voir sur le site. Voilà, sur le Facebook. Sur le Facebook. Jardin en fête, avec jardin au pluriel, évidemment. Donc c'est à Maropré. Alors entre autres, on pourra voir Thérèse Électrique, Missing, Miss Gradenko, Panic Ben Ben, Hobby Blues, Derwiz et l'autre. D'accord, et très bien. La Payotte, encore et toujours. Mika Previt, donc c'est à partir de 18h. Ça c'est un auteur-compositeur américain pour une ambiance folk. Yeah. Et puis on peut aller se terminer... terminé carrément au Blue Device à 20h avec un concert, c'est le PAB, le Peter Alexander Band Tribute, c'est Lynyrd Skynyrd. D'accord, ouais. Ok. Voilà, Sweet Home Alabama, c'est, vous connaissez oui, pas. Oui, tout à fait. Ouais. Il faut y Sweet aller. Home Alabama. Voilà. Entre autres, il y a plein d'autres chansons, c'est un super groupe. Bah écoute, c'est tout pour dimanche. Ah bah c'est déjà pas mal parce que oui, c'est vrai que le dimanche, des fois, on sait pas où aller. Pas et puis là, bah, c'est-à-dire qu'il y a toujours le au niveau du 15 septembre, il y a toujours à peu près le Broken'Roll, les journées en fait, ça tombe en même temps. Ouais. Oui, chaque année. Donc ça laisse pas mal de concerts et il y a vraiment de quoi faire. Mercredi 18, donc on se repose hein, lundi, mardi. Lundi, bon, mardi, on est sorti tout dimanche, on a fait ça. Donc, ouais, parce qu'il y a le week-end et puis souvent les 5 jours suivants le week-end sont difficiles. Je sais pas pour vous, moi j'ai remarqué ça. Voilà. La Payotte, tiens, encore et toujours, quatrième jour, c'est Zia. Donc à La Payotte, ça c'est de la folk musique, ça part de 19h. Zia. Ouais. S-Z-I-A. Zia. D'accord. Voilà. Jeudi 19, reprise des hostilités au VNB Ingré à 18h30 avec le groupe Why Not. Why Not. Why Not. Pourquoi pas. Fake ID, pour eux, ils seront au Balai Pizza à Saran, c'est à 20h, donc c'est à côté du complexe cinéma, pas du complexe, n'importe où, à côté du cinéma tapé. D'accord. Ouais. Et puis LSG Tribute The Police, ce sera au Winston à Gien à partir de 21h, pour les fans de Police. Et puis vendredi prochain, déjà un petit aperçu de ce qui va se passer. Il y aura Volo qui sera à la Maison de la Musique et de la Danse à Saint-Jean-de-l'Arvel à 20h30 pour un PAF de 10 euros. Anita Farmin sera le Novotel pour le live à la demeure, donc le troisième du nom. Novotel Sud à 19h. Et Patient Z sera au CBO, donc ça c'est le Croque Bedel Orléans. D'accord. Ah, c'est oui, où oui, ah, ben oui, j'ai vu ça c'est aussi. Au le 1 rue de Bourgogne, ça remplace le Saint-Patrick. Voilà, merci Olivier. Et puis ça n'a pas passé inaperçu non plus à partir du 18 jusqu'au 22 septembre. Je te coupe avant que tu parles des fêtes de Loire. Ouais. Je crois que vendredi prochain, le 19, VNB Chessy, il y a quelque chose. Il y a Samsoul. Et c'est le 20. C'est vendredi 20. D'accord. D'accord. C'est vendredi. C'est vendredi. Ouais. Ah oui, donc tu ne l'abordes pas pour ce soir. Je l'avais comme ça dans la tête. Mais... D'accord, ok. Ouais. Oui. C'est le 20. C'est vendredi 20. Oui, donc ouais. C'est le suivant. Donc, hein. Ouais. Ouais. Donc les fêtes de Loire, donc du 18 au 22. Donc le programme complet, bah, vous l'aurez sur orléans-métropole.fr. Mm-hmm. Voilà. Donc entre autres, hein, au niveau des concerts, les grandes vedettes, c'est Renan Luce et Madame Monsieur qui vont participer à l'Eurovision. Voilà. Et puis bah, évidemment, hein, il y aura tous les bateaux, il y a toutes les parades. C'est la fête de la Loire. Des champs de marins un petit peu partout. Et comme il fait beau, c'est l'occasion d'aller se promener au bord de la Loire, quoi. Et il va faire et de voir plein de monde. Il va faire très beau, donc on en profite. On sort. Ben oui. Voilà. En plus, ils ont remonté l'eau du canal exprès. Enfin, l'eau de la Loire est toujours aussi basse. Ouais, bah, ouais. Ça, c'est clair. Ouais. Bah, il va falloir qu'il pleuve un petit peu, parce que ça fait un petit moment qu'il n'a pas plu. Bah, faudrait que tu te mettes à chanter. on va faire ça. On va monter un groupe pour faire venir la pluie. Je suis sûr qu'on sera beaucoup demandé par les agriculteurs, en tout cas. Un coup de main là-dessus. Ouais, ouais. Enfin, tu joueras de la guitare. On fera tous les deux, on fera de la guitare. Ouais, je suis sûr que la pluie va arriver. Ah, bah, là, il n'y aura peut-être pas que de la pluie, il faut faire gaffe. Il y aura peut-être d'autres trucs. D'autres matières qui risquent de tomber si on commence à jouer. Ouais. Voilà, ouais, donc c'est tout pour l'agenda de Marika. Yes. Ben voilà, donc l'agenda de Mavrika présenté par monsieur Didier Thibault, oui. Accompagné de monsieur Olivier Dominguez et Annabelle Da Silva. Voilà, j'ai signalé tout le monde. Voilà, donc pour l'agenda, les idées de sortie. Et la semaine prochaine, on retrouve à nouveau l'agenda de Mavrika vers les 22h. Hein. Cette fois-ci, on l'a fait un petit peu en avance. C'est pas mal. En plus, nos amis de West Orleans ont beaucoup transpiré tout à l'heure. Donc là, ils ont été faire une petite pause. Et on va les accueillir juste après pour continuer cette émission donc avec nos invités West Orleans pour cette émission numéro 421. Voilà, 421, ça tombait très bien pour ceux qui aiment le jeu de dés. Voilà, donc on écoute un petit peu de musique et on retrouve nos amis de West Orleans. Merci à vous en tout cas. Mais de rien. C'est parti, on va écouter un morceau. Alors j'avais programmé plusieurs morceaux comme ça, et puis il y en a certains qui sont programmés à l'avance. Je suis en train de chercher le nom. Donc c'est Dead End avec un morceau qui s'appelle The Bogeyman. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. In the darkness high, and it drives you to negative. une petite musique donc de Dead End et le morceau s'appelle Boogeyman. Donc juste avant, c'était l'agenda de Mavrika présenté par monsieur Didier Thibault, accompagné de Olivier Dominguez et Annabelle Da Silva qui était là tout à l'heure. Et puis maintenant on retourne dans les studios de Radio Arc-en-Ciel parce qu'on a, on sait pas encore tout des West Orleans. On a découvert plein de choses pour les gens qui les connaissaient pas. Bon, il faut savoir qu'ils étaient venus, on les avait découverts ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, c'était en 2017 pour l'émission numéro 309. Et ils reviennent aujourd'hui, on est vraiment content de les retrouver parce qu'ils nous ont fait des interprétations en direct live. On en fait 4 super bien quoi. Et on va donc les retrouver parce qu'ils ont peut-être encore des choses à annoncer. Alors on sait déjà qu'il y a un concert demain, donc on va en parler un petit peu de tout ça avec les West Orleans. Restez avec nous. Voilà, donc on revient dans les studios. Voilà, une petite pause parce que tout à l'heure, c'est vrai qu'il fait très chaud dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. En plus, vous avez tout donné, donc vous avez fait monter la température. Donc, Moïse, on va rappeler la date de demain, parce que demain, il y a un concert quand même important des West Orleans. Tout à fait. On va... Donc, tu as la date, tu as l'endroit, tout ça. Alors, vas-y, oui, je te laisse annoncer. Donc, l'endroit, donc, je l'ai dit tout à l'heure, donc, c'est près de Tours. Vous allez sur notre Facebook, en fait, ça se trouve à Château Renaud, hein, tout simplement. Zone industrielle des Aulnais, et puis ça se trouve chez les bikers MC Indre-Loire, donc c'est ouvert à tous. Je précise quand même qu'il y aura un show sexy en fin de soirée, donc d'accord. Ouais, mais il faut commencer par ça. Âme sensible, sensible, s'abstenir. Voilà. Tu sais pas vendre ton truc, tu commences par ça. C'est vrai qu'en général, on commence par ça. Donc voilà, il y aura un show sexy, hein, donc venez nombreux, pas de soucis. Alors, mais voilà, faut si ça commence. Alors, pour information, donc, je crois que l'entrée, c'est pas très élevé, je crois que ça va être 6 euros, quelque chose comme ça. Ouais. Et en général, ils organisent des choses assez conséquentes. Pour information, je crois qu'ils ont également un camping qu'ils gèrent, qui peut permettre à certaines personnes de rester sur place. Ouais, des gens qui viennent de loin, par exemple. Voilà, hein, tout à fait. Et puis voilà, donc j'invite tout le monde à être présent, pourquoi pas demain, si en tout cas le cœur vous en dit. Très bien. Ok, d'autres dates encore ou il n'y a rien de concret? Alors normalement, le 5 octobre est prévu une autre date, logiquement, donc près de Blois, au Shelby. C'est un restaurant américain très très très conséquent, c'est vraiment un très très beau restaurant américain. Donc logiquement, la date est calée pour le 5 octobre, donc l'événement ne devrait pas tarder d'apparaître sur notre Facebook. Donc il faut continuer à aller sur la page Facebook, c'est ouais, pas seulement le jour de l'émission. D'ailleurs, j'invite tout le monde là tout de suite à aller sur West Orleans, donc mon Facebook, enfin notre Facebook. Et n'hésitez pas donc à liker la page ou éventuellement liker les vidéos, voilà. Et puis si vous êtes organisateur et que vous êtes derrière cette radio et que vous avez des projets en tout cas pour soit l'année prochaine ou même les années qui viennent, puisque des fois les dates sont bien souvent calées un an avant, bah, n'hésitez pas à faire appel à nous et si on est disponible à ce moment-là, on sera un grand plaisir de venir jouer pour vous, organisateur. Très bien. Donc vous faites des concerts, mais est-ce que vous allez aussi aux concerts vous-même? Oui. Il y a des groupes que vous avez été voir dernièrement ou des artistes? Ouais, bah que... les Knuckleheads par exemple. Ouais. J'ai vu aussi les Insus, j'ai ouais. vu les ZZ Top. Il y a beaucoup plus longtemps de ça, j'ai vu que ça. Il y a Manu Dibango, donc c'était complètement différent. Ah ouais, Manu Dibango. Africa Salsa, le ouais. procès de Michael Jackson. Ouais, parce que Michael Jackson avait repris finalement une phrase toute faite de Manu Dibango. Voilà, hein. Tout à fait. Bon, je fais pas de funky, alors je vais pas vous la chanter à la radio. Ouais. Et puis voilà, donc oui, bien sûr, bah de toute façon, je pense que la culture musicale se doit à chacun, en tout cas, d'être un peu étoffé, parce que si on est enfermé dans un style... C'est ce que j'aime bien, parce que tu as ton style à toi, mais tu écoutes des choses très variées, et ça, c'est enrichissant, ça. Je pense que ça, après, tu peux intégrer des petites choses de droite à gauche dans ta musique. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que quand on est un trio comme ça, on a chacun un univers musical différent. Par exemple, Philippe, lui, est beaucoup plus... Au départ, il a un style qui est assez jazz, donc on va dire que... voilà, on va retrouver le style jazz de Philippe dans notre façon de jouer, donc c'est ce qui va. Et puis en fonction des batteurs, pareil, ils vont apporter leur énergie aussi propre par rapport à leur culture personnelle de musique. Donc on sait ce qu'on fait en tout cas tous les trois, mais on vient d'horizons plus ou moins différents. C'est ce qui fait la richesse en tout cas d'un groupe, hein, c'est de venir d'horizons différents pour que chacun quelque chose à apporter ou à donner par rapport à sa personnalité ou son univers musical. Voilà, on ne peut que s'enrichir de nos différences et ça c'est important de le dire. Voilà, en tout cas, West Orleans, ça en est l'exemple parfait. Très Très bien. Il reste combien de morceaux à interpréter? On a encore un peu le temps. Deux ou trois. Ah ouais, parce que normalement vous avez dit qu'il y en avait cinq, mais finalement deux ou trois. Parce que là on peut. Le patron chez Mavrika, ça reste quand même Albino et la station. Donc ouais, si mais on déborde. Moi je suis ici pour donner la parole justement aux artistes. Donc là on peut encore vous faire une reprise éventuellement qui peut être That's Alright Mama, puisque. Ouais, on l'avait passé tout à l'heure, c'était l'enregistrement dernier passage dans l'émission. Et ensuite, on finira par deux compositions donc, qui seront Mr. Rock'n'Roll et Wooster Lynes. Ah ouais, très bien. Voilà. On passe un petit morceau, vous préparez et on y va? On fait comme ça? Pas de problème. D'accord, comme ça, le temps de vous mettre en place et merci. Tout ça. Et puis, donc, on va écouter un petit morceau. Le problème, c'est que je ne l'ai pas calé. Donc, ça va se faire comme ça. Donc, vous êtes bien sur Mavrika, Radio Hortensiel. Voilà, on meuble un petit peu pour toi. Ouais, vas-y. Voilà, très bien. Merci à tous les auditeurs d'être présents ce soir. Moi, j'ai un buffet. C'est bon. 50 euros, j'ai un beau buffet. D'accord, c'est parti. une part de lui dans chaque verre, sans pression. Leur fait honneur sans pression. Écoutez l'émission Mavrika. Aujourd'hui, nos invités sont West Orleans. Ils sont en train de se préparer parce qu'il va y avoir du live. Et là, on vient d'écouter le meilleur groupe de Electrad Rock que je connaisse. Il s'agit du groupe Éphémère. Voilà, on vient tout de suite dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et vous entendez, ça, c'est du son live. Le son live de West Orleans. Donc là, je vais essayer de reconfigurer un petit peu comme tout à l'heure pour avoir le meilleur son possible, puisque c'est dans un mode restreint. Hein. On est vraiment dans un petit studio et puis les conditions sont peut-être pas réunies au maximum. Mais en attendant, les artistes nous font le plaisir d'interpréter des morceaux en direct live. La chaleur humaine est là. Et la chaleur humaine est là. Et puis c'est le côté vivant aussi. C'est du vrai quoi. Il y a pas d'effet. Il y a pas de vocodeur. Moïse chante en vrai. Hein, c'est sa vraie voix. Il y a pas d'instrument préprogrammé. C'est vraiment des musiciens qui grattent sur des cordes, qui tapent sur des pots et qui voilà. C'est vraiment le direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec West Orleans. Alors quel est le morceau que vous allez interpréter? Une dernière reprise donc Elvis Presley. That's alright. That's alright, mama. Un, deux. Your mama, that's right for you. That's right, your mama, just you and you do. That's alright, that's alright. That's all, I know mama, everywhere you do. Well mama, she don't tell me, papa told me too. She don't got you full and well, and they warn you do. That's alright. That's all right, that's all, right on my mind, anyway. Phantom for sure. They don't got you full and well. Handling on your door. That's alright. That's alright. That's all. Right on my mind. Anyway you do. What did he did did did did did did did did did did did did did did did did did did did did did did did did did did. That's alright. That's all. Right on my mind. Anyway. We'll be right back. miss you. Anyway, you do, but that's alright. That's alright. That's all right on my mind. Well, anyway. For sure, red on got you falling well, and then blowing your door. That's alright. That's alright. That's all right on my mind. Anyway, you do. Well, did he? That's alright. That's all right on my mind. Anyway. That's all right, mama. Une superbe interprétation en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel par le groupe West Orleans, un des standards du rock and roll. Et ça continue en direct live. C'est parti. Un mini concert. Voilà, on est vraiment super bien placé pour moi. J'ai la chance de vous voir. En même temps, les auditeurs peuvent vous écouter et je peux vous dire que l'ambiance est à son comble. Très bien. On va vous interpréter donc une composition, donc l'avant-dernier morceau, qui s'appelle Mister Rock and Roll. Mr. Rock and Roll. Je vais juste ajuster mon son. Un, deux, trois, quatre. Super. C'était Mr. Rock'n'Roll. Mr. Rock'n'Roll. Et y en a, tu en cites plusieurs et tu en oublies trois. Phil, Ben et Moïse. Merci et beaucoup. Et West Orleans en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Super. En et Dani. Et Dani aussi qui est pas là ce soir, mais qui est le... Faut pas l'oublier. Le batteur. Voilà. Pas de problème. Très bien. Merci et puis donc, y a plein de gens qui nous disent le son est super bien. C'est super bien réglé. Apparemment, on a réussi à obtenir un super bon son. Donc voilà, c'est dans la boîte, c'est enregistré et puis on pourra le réécouter. Donc sachant dans les conditions dans lesquelles on travaille, je trouve qu'on est super bon quand même. Hein. Vous êtes super bon. C'est gentil, merci. On continue avec le... Une petite dernière. Très bien. Donc ça, c'est un morceau qui s'appelle West Orleans, donc ça tombe bien, ça parle de nous, et ça parle des autres aussi, donc qui invite les autres à venir nous voir. Donc. 1, 2, 3, 4 Que tu sois blues ou keep on rockin'. Living for the worst old ends. Could you swap blues and keep round workers? Living for the worst old ends. Fais pas de pique qui t'en passe. Hey, la fin de semaine se passe. Fais pas de chichi, pas de bits. Living for the worst old ends. Chichi, pas de beans. Hey, the world is West Orleans. Ça fait Patrick qui t'invasse. Hey, la fin de semaine se passe. C'est un trio de musiciens qui se battent toujours, qui tient. C'est un trio et quand ça joue, ça fait du bien. C'est un trio et quand ça joue, ça fait du bien. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Et quand ça joue, ça fait du bien. Le trio, donc, voilà. West Orleans, en direct live dans les studios de West Orleans. Merci voilà. beaucoup. Super, en tout cas. Merci beaucoup à vous. Bah, vous avez bien travaillé. On a fait une super émission. C'est merci un vrai plaisir. Toi, on arrive merci à Didier. Merci à tout le monde. On arrive rapidement d'ailleurs. À la fin et on n'a pas vu le temps passer. Bon, franchement, on serait resté encore longtemps. De toute façon, on garde le contact. Hein. Vous revenez bien quand sûr. Vous voulez. Vous êtes déjà venu il y a 2 ans. Merci. C'est vrai que ça fait long entre deux émissions. Donc, vous reviendrez dès que, je pense voulez. Que la prochaine fois on présentera sûrement l'album et peut-être un petit clip. Très bien, donc ça fait partie des projets, donc l'album des West Orleans. Voilà, bon, en tout cas, si les auditeurs ont apprécié, j'insiste lourdement, hein, allez sur notre petit Facebook et faites-nous le savoir, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Voilà, il faut aller sur le Facebook, vous mettez un petit j'aime. Pas de problème, j'ai mon portable. Donc voilà, il y a des gens qui répondent voilà, en direct. Il faut aller sur la page West Orleans qui finit par un S majuscule, qui n'est pas le profil. Hein. Attention, vous avez un profil West Orleans et la page qui, elle, a un S majuscule, c'est-à-dire c'est la page, tout simplement. D'accord, voilà. C'est la page où on peut mettre un petit j'aime, voilà, justement. Voilà. Et on va, pour les gens qui ont loupé l'émission, hein, donc des fois des gens viennent juste d'arriver, ils ont écouté le dernier morceau, la dernière note, ils se disent, tiens, on a loupé une bonne émission, donc vous pouvez réécouter. Donc, dans le courant de la journée de demain, notre ami Florent va poster le podcast. Donc, Florent qui fait partie de l'émission Mavrica, on va dire ça comme ça, et fait partie aussi des gens qui suivent Radio Arc-en-Ciel. Il enregistre beaucoup d'émissions et en même temps après il les repartage sur Facebook, donc les gens qui loupent une émission peuvent toujours avoir la séance de rattrapage donc sur le Facebook de l'émission Mavrica. Merci Florent. En podcast, voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci donc, à Philippe, merci à Benoît. Je fais un petit salut aussi à Dany qui peut-être nous écoute à Mainc-sur-Loire. Moi je vous remercie en tout cas à vous toute l'équipe pour votre accueil, puis pour le fait de nous avoir aussi invités. Et ça a été pour nous un vrai plaisir. Puis je pense que pour mes... Ouais, vous revenez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous faites partie vraiment des gens qu'on apprécie. Ma petite famille à la maison qui doit m'écouter tranquillement. Et puis je pense que mes collègues en font de même aussi pour les leurs. Ouais. Bisous à mes filles qui peut-être m'écoutent. Très bien. On va s'arrêter là. Hein. Voilà, donc en tout cas, le message est passé. Les gens, j'espère qu'ils ont pris beaucoup de plaisir, autant que nous, à vous écouter, à découvrir Merci à tous. Pour les gens qui ne connaissaient pas le groupe, justement, c'était l'occasion de les découvrir. Merci à tous. Donc maintenant, il faut suivre West Orleans. Vous pouvez aussi nous contacter hein, pour des mariages, des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Ah bah oui, ça tout c'est est possible. Tout est possible, tout est réalisable. Pour un monde meilleur, il n'y a pas de problème. Voilà, donc cette émission numéro 421 se termine. C'était l'émission consacrée au West Orleans. Voilà. Donc je vais rappeler quand même, la semaine dernière, on a reçu les cardioïdes. On avait passé un très bon moment avec eux. Et la semaine prochaine, ça va être un petit peu plus calme, puisque c'est un duo qui sera là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils ont enregistré un album il n'y a pas très longtemps, qui est superbement enregistré. Il s'agit des El Honor. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. C'est à partir de 20h30 sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 MHz. Et merci beaucoup à West Orleans. Merci. Donc là, merci maintenant, on a bien travaillé. Super, je pense qu'après l'effort, le réconfort. Absolument. Voilà. Merci à vous. Bonne nuit, bon merci week-end. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir, en tout cas, d'être restés jusqu'au bout. Et à bientôt. Venez nous voir, en tout cas, et likez nos événements, pas de soucis. Merci. On rappelle une dernière fois, tiens, le concert demain. Le 14 grosso septembre. Modo, pour les gens qui sont d'Orléans, il y a quand même une heure et demie de route. Hein, je comprends que ça puisse faire un petit peu loin. Donc c'est demain, 19h, Château Renault, voilà, biker MC André-Loire, hein, comme on peut le voir sur l'affiche de notre Facebook, ouais. Support party. Éventuellement le 5 octobre, le Shelby à Blois, donc restaurant américain. Bon, normalement la date reste à fixer, mais j'ai eu le responsable, je pense que c'est calé. Voilà. Voilà, très bien. Donc les West Orleans vous saluent bien et vous remercient en tout cas. Voilà, on vous souhaite à tous donc on vous embrasse tous. Une bonne nuit, un bon week-end, une bonne semaine. Merci. Et beaucoup. À la semaine prochaine. Bon week-end à voilà, tous. Merci on reste beaucoup. Avec un petit peu de musique et puis on se retrouve donc à partir de 20h30. Et surtout, n'oubliez pas, rock and roll. Que le rock and roll soit avec vous. On n'a même pas dit les phrases magiques, tiens, on va les dire. Que le rock and roll soit avec vous. Que le rock and roll soit avec vous. Tout everything à fait. Is gonna be alright. Et enfin, la dernière, une vie sans musique serait une erreur. Absolument. C'est vrai. Absolument. Que le rock and roll soit avec vous. Reconnecté. Merci beaucoup, à bientôt. J'en ai subi des dépressions, j'en ai affronté des bourrasques, des sales temps c'était bien trop long, des éclairs à tomber par terre, des pluies torrentielles, des gros vents, des foudres comme en temps de guerre, tenir la barre, serrer les dents, c'est quand même le ciel bleu qu'on préfère. Les rayons chauds qu'on espère, le soleil est revenu, moi qui n'y croyais plus, j'ai retrouvé le goût à la vie, le soleil est revenu, je l'ai tant attendu, le mauvais temps c'est bien. Le mauvais temps, c'est bien fini. L'envie d'une vie sans histoire, oublier toutes ces insomnies, le rêve de retrouver l'espoir d'une existence aplanie, solutionner tous ces enfers, choisir un nouvel relativiser ses galères et se relancer pour de bon, c'est quand même la sérénité qu'on préfère, c'est quand même les jours heureux qu'on espère, le soleil est revenu, moi qui n'y croyais plus, j'ai retrouvé c'est bien fini. Le mauvais temps, c'est bien fini. Bien fini. Bien fini. Bien fini. soleil est revenu. Moi qui n'y croyais plus, j'ai retrouvé le goût à la vie. Le soleil est revenu. Je l'ai tant attendu. Le mauvais temps, c'est bien fini. Le mauvais temps, c'est bien fini. Salut à tous, nous sommes les Blues Factory. Nous vous attendons au Mavrika Live le 25 février. Pour un set de blues rock. Venez nombreux, passez un bon moment avec nous. Yeah. Going back to the c'est une chanson justement qui fait pas du tout partie du répertoire soul et jazz, puisqu'on m'a offert Roxanne. Ah ouais. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to say about it to the night. Roxanne, you don't have to word out trust tonight. Walk the street for money. You don't care if it's wrong. Since I knew your own, I walked dead into your own. I have you tell you just a fee. I will share you with another boy. I know I'm always made out, so put away your makeup. Don't you want? I will tell you again, it's a bad way. Guess what? You don't want to get out of your bed. You should listen closely. Put this melody inside your head. You just have to let it be. You don't want to get out of your bed. Listen closely. Put this melody inside your head. You just have to let it be. Shopper, run into something you hate. Can't leave, can't go out naked. Look down, you forgot something, kid. Hurry, no time, no time for fun. And prepare yourself coffee in the kitchen. Don't wanna get out of your bed. You should listen closely. Put this melody inside your head. You just have to let it be. You don't wanna get out of your bed. You should listen closely. This melody inside your head. You just have to let it be. ne sais pas ce qui m'a pris quand tu m'as demandé si je t'aimais, si je t'aimais. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai commencé par me marrer et j'étais pris d'un fou rire. Quand même pas qu'entre nous c'était sérieux. Puis tu t'es déshabillé, tu m'as regardé rieuse. Allez, finis de rigoler. Passons chose sérieuse. Mon amour, tu vas en rire. Notre amour. Thank you. And every splash of blood will give you a convulsion. Until the sun goes down.